Allez, allumez le micro, Inch'Allah. Il va l'emmener à cela. Demande au frère. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله الإمام البيقوني في منظومته البيقونية في البيت الثامن والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. Donc le huitième vers, l'auteur rahimahullah nous dit wal musnadul muttasilul isnad min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer qu'est-ce que al hadith al musnad. Al hadith al musnad. Donc on avait vu al sahih, on avait vu al hasan, on avait vu al-da'if, on avait vu al-marfou' ou al-maqtou', et là on va voir al-musnad. Fayaqulu rahimahullah wal musnadu al-muttasilu al-isnad min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Ma'na dhalik anna al-hadith al-musnada huwa al-hadith alladhi ittasala إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي حديث يكون منتهى إسناده رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في إسناده انقطاع فهو حديث مسند. فلا بد من هذين القيدين، أن يكون الإسناد متصلا وأن يكون منتهى الإسناد هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالاتصال نأخذه من قوله المتصل الإسنادي، وأن يكون منتهى الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه من حتى المصطفى ولم يبين ولم ينقطع. ولم يبين بمعنى ولم ينقطع. دونك المسند، لو حديث مسند سي لو حديث dont la chaîne de transmission est liée. Donc de l'auteur du livre, par exemple Al-Bukhari ou bien Muslim ou bien Tirmidhi ou bien Abu Daoud ou bien Ahmad ou autre jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalil, ça me sera ça. Donc, pour que le hadith on l'appelle musnad, il faut qu'il y ait deux conditions. Que la chaîne de transmission, donc il n'y ait pas de coupure, qu'elle soit liée du début jusqu'à la fin, et que la fin de l'isnad, ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sa parole, que ce soit un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela ce que l'on appelle musnad. Donc la chaîne de transmission est liée et également il n'y a pas et donc la fin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un hadith dont la chaîne de transmission est liée mais finit par exemple à Abu Bakr al-Siddiq, on n'appelle pas ça musnad. Un hadith donc également dont la chaîne de transmission est liée mais qui finit à par exemple Saïd ibn Musayyib, également ce n'est pas musnad. Également un hadith qui finit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Par exemple, il y a une coupure entre deux narrateurs. Également, ce n'est pas musnad. Donc, il faut qu'il y ait ces deux conditions pour que l'on appelle hadith al-musnad. Donc, l'auteur il nous dit wal musnadu al-muttasilu al-isnadi, c'est-à-dire donc la chaîne est liée min rawihi donc du narrateur, حتى المصطفى. المصطفى c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولم يبين, à la fin il dit ولم يبين, c'est-à-dire ولم ينقطع, c'est-à-dire il n'y a pas de coupure. ولأجل هذا سمى الإمام البخاري رحمه الله كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر. الناس الآن يعرفون كتاب الإمام البخاري بصحيح البخاري, ولكن هذا الاسم ليس من صنيع الإمام رحمه الله, وسمى كتابه بالجامع. من الجامع؟ أنه تجد في كتاب البخاري كل الأبواب, كل الأبواب من العقيدة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفقه ومن المعاملات ومن التوحيد والاعتصام, فهو كتاب جامع بخلاف السنن. عندما نقول مثلا سنن أبي داود لا تجدون فيها إلا الفقه غالبا, يعني مرتب على أبواب الفقهية. فالكتاب الجامع يعني يجمع كل الأبواب المتعلقة بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الجامع المسند, هذا هو الذي يقصده, أن يكون الحديث اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجامع المسند الصحيح المختصر. فالإمام البخاري رحمه الله أراد بكتابه الاختصار, ولهذا يقول يعني أنه اختار من 200,000 حديث كان يحفظها يعني أصح ما في الباب, فجمعها في كتابه هذا الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ما معنى أيام؟ الغزوات, الأيام بمعنى الغزوات. ولهذا دائما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد. طيب ماذا نقصد بيوم أحد؟ يوم واحد؟ لا, كانت أيام. يوم بدر, يوم التقى الجمعان, يعني غزوة. دونك الإمام البخاري رحمه الله دونك il a un livre que tout le monde connaît qui s'appelle صحيح البخاري. صحيح البخاري ce n'est pas le nom que l'imam Bukhari a donné à son livre. Donc ça c'est que les gens ils connaissent. Mais l'imam Bukhari il a donné un nom plus long. Et les gens, donc, pour résumer, l'ont appelé Sahih al-Bukhari du fait que tout ce qui est dans ce livre est authentique. Le livre qui a donné, le titre qu'a donné l'imam Bukhari, c'est Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyami. Al-Jami' c'est-à-dire que son livre, il englobe tout les chapitres pouvant être liés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouverez dans Sahih al-Bukhari vous trouverez la croyance musulmane. Par exemple, à la fin, il y a Kitab al-Tawhid. Vous trouverez également des livres, le premier livre il s'appelle Bad il-Wahi, le début de la révélation. Vous trouverez également tout ce qui est lié à la jurisprudence comme le wudu, le salat, le zakat, le hajj, même le mariage, les ventes, etc. Donc ça c'est sunan, on va dire. Vous trouverez également sira, vous trouverez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, dans de nombreux hadiths. Donc c'est un livre jami' qui englobe tout. Contrairement au livre que l'on appelle sunan, lorsque l'on dit par exemple sunan Tirmidhi, ou bien par exemple lorsqu'on dit Sunan Abi Daoud ou bien Sunan An-Nasa'i, la majorité des chapitres c'est le fiqh. C'est pour ça qu'on a appelé Sunan et c'est classé de manière des savants de la jurisprudence. Il nous dit donc Al-Jami'ul Musnad. Al-Musnad ici c'est ce qu'il a voulu dire, c'est-à-dire que les hadiths que l'imam Bukhari va citer, donc les chaînes de transmission sont liées de lui jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qu'il a voulu dire. Il a dit donc al-jami' al-musnad as-sahih. Donc c'est les conditions qu'on a vues pour le hadith authentique. Al-mukhtasar, résumé. L'imam Bukhari, il n'a pas voulu que son livre soit trop long. Il dit même que s'il avait voulu tout mettre, son livre il aurait été beaucoup plus grand. Alors que pour nous, Sahih al-Bukhari, c'est un livre immense. Peu de gens l'ont lu, sans penser des gens, sans demander est-ce que les gens l'ont compris. Mais malgré cela, l'imam Bukhari nous dit al-mukhtasar min umuri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, donc des choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sunanihi, c'est-à-dire ses habitudes, on va dire, wa ayyami, al-ayyam, c'est les batailles. Ça ne veut pas dire les jours. Les jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne devrait pas dire grand-chose. Al-ayyam, c'est les batailles. C'est pour ça que souvent dans des hadiths, vous entendez yawm al-khandaq. Ça ne veut pas dire que la bataille elle a duré un jour, ou bien yawm al-badr, ou bien Yom Tabouk. Là, ça veut dire la bataille de Tabouk, la bataille de Badr ou la bataille de Al-Khandaq. Walakin ahyanan tajiduna kutuban tusamma bil masanid. Tusamma bil masanid kal musnad lil imami Ahmed. L'imam Ahmed rahimahullah, law kitab ismuhu Al-Musnad. فإذا وجدتم كتاب اسمه المسند لا يقصدون بهذا ما ذكرناه إنما يقصدون كتبا يجعل حديث كل صحابي على حدة صحيحا كان أو حسنا ضعيفا مرتبين على ترتيب معين سواء على حروف الهجاء أو على القبائل أو السابقة في الإسلام أو الشرافة النسبية أو غير ذلك فعندما مثلا تفتحون كتاب المسند تجدون الأحاديث ليس لها ترتيب المسند ليس في أبواب ويذكر الأحاديث باعتبار الصحابي فهو يجمع لك مثلا كل حديث لأبي هريرة في مكان واحد سواء كانت هذه الأحاديث في الوضوء أو في الحج أو في التوحيد أو في السيرة ثم يأتي ويذكر لك مسند أبي بكر مسند عمر مسند عائشة مسند جابر بن عبد الله وأصحاب المسانيد مثلا مسند الإمام أحمد أو مسند أبي يعلى أو غير ذلك هم يرتبون الكتب حسب الراوي والراوي إما أن يرتب على حروف الهجاء فيبدون بالأليف ثم الباء والتاء والثاء أو على القبائل أو على السابقة في الإسلام فيبدون مثلا بالعشر المبشرين بالجنة ثم مثلا أصحاب بدر ثم المهاجرون ثم الأنصار. Donc nous avons aussi d'autres livres que l'on appelle المسانيد. المسانيد qui est le pluriel de مسند. Et le مسند le plus célèbre c'est celui de l'imam Ahmed rahimahullah. C'est la plus grosse encyclopédie de hadith. Il y a 40 000 hadiths dedans. 40 000 hadiths. Ces livres que l'on appelle مسند, ce n'est pas ce que nous venons de citer. Donc là on vient de citer que le hadith المسند c'est c'est donc le hadith dont la chaîne de transmission est liée jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les livres que l'on appelle Al-Musnad, ils ne veulent pas dire cela. Al-Musnad, en fait, c'est le fait ici de regrouper tous les hadiths d'un compagnon. Par exemple, je prends tous les hadiths de Abu Huraira et je les cite dans un seul et même endroit. Tous les hadiths de Abu Bakr dans un seul et même endroit. Tous les hadiths de Omar dans un seul et même endroit. sans tenir compte de leur sujet. Il se peut que je trouve un hadith dans Salah, suivi d'un hadith dans Sirah, suivi d'un hadith décrivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivi d'un hadith parlant du mariage. Il n'y a aucun ordre. C'est pour ça que certains savants sont venus ensuite et ont pris Mousnad l'imam Ahmed et ont remis les hadiths dans un ordre fiqhi pour faciliter l'accès aux gens. Pour faciliter l'accès aux gens. Parce que Mousnad l'imam Ahmed, comment tu cherches dedans si tu veux chercher un hadith s'il n'y a pas de sujet? Et que tous les hadiths sont classés par compagnons. Et ensuite, donc, dès qu'ils ont réuni chaque hadith de chaque compagnon, ils classent les compagnons suivant un ordre. Il y en a qui les classent par ordre alphabétique, en commençant par Alif, Ba, Ta, Tha, etc. D'autres qui les classent par les tribus. Ils vont classer les compagnons de telle tribu en premier, les compagnons de telle tribu en second, etc. D'autres qui vont prendre, par exemple, ce qu'on appelle As-Sabiqati fil Islam, c'est-à-dire les premiers qui sont entrés dans l'islam, on commence par eux. D'autres qui vont commencer par l'importance de ce compagnon, donc ils vont prendre par exemple les 10 à qui le prophète sallam a promis le paradis, Abu Bakr, Omar, etc. Donc, il n'y a pas, si on veut chercher un hadith, c'est très difficile. C'est pour ça que, donc, que certains savants sont venus et ont remis ces livres dans un ordre fiqhi pour faciliter l'accès à ces livres. C'est clair, les deux, le Mousnad, donc on a cité ce que l'auteur a voulu citer, et pour ne pas confondre avec le Mousnad, donc les titres de livres que l'on appelle Al-Mousnad. Thumma qal وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نوعا آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المتصل. وعند التأمل فيما ذكره الناظم رحمه الله نجد أن لا فرق عنده بين المسند والمتصل بالنسبة للناظم البيقوني رحمه الله لا فرق لديه بين المسند والمتصل فإنه قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبين ثم قال في المتصل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل فعنده المسند والمتصل شيء واحد فذكر اتصال الإسناد وذكر أن منتهى الإسناد هو الرسول صلى الله عليه وسلم وذا خلاف لما عليه الأكثر فأكثر العلماء يرون أن بينهما فرقا أن المسند وما ذكرناه ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمتصل وما اتصل إسناده سواء كان منتهى الإسناد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة أو أحد التابعين المهم في المتصل أن يكون الإسناد متصلا فأي حديث كان إسناده متصلا سمي متصلا دونك لوتر رحمه الله ينودي وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل c'est-à-dire que si chaque narrateur entend de celui qui est au-dessus de lui, donc c'est la même chose, donc la chaîne de transmission est liée, il n'y a pas de coupure. Lil Mustafa fa al-Muttasi, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle al-Muttasi. Donc l'auteur rahimahullah, d'après ce qu'il cite dans ces deux vers, il n'y a pas de différence entre le Musnad et le Muttasi. Donc dans les deux, il nous parle de ittisal ou al-Isnad, c'est-à-dire que la chaîne de transmission soit liée, et il nous parle que la fin de la chaîne de transmission doit être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour lui, il n'y a pas de différence entre les deux choses. Al-Muttasil, Al-Musnad, c'est la même chose. Mais la majorité des savants font la différence entre ces deux choses-là. Donc Al-Musnad, c'est ce que l'on vient de citer, c'est-à-dire la chaîne de transmission est liée jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muttasil, c'est une chaîne de transmission lié, que la fin de la chaîne de transmission soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien un compagnon ou bien un tabi'in. Tout ça, ça s'appelle muttasil. Donc muttasil, c'est celui dont la chaîne de transmission est liée. Peu importe où cela se finit. Si ça se finit au prophète sallam, c'est musnad. Si ça se finit à un des sahaba, c'est muttasil mawquf. Et si ça se finit à quelqu'un après, ça s'appellera muttasil maqtou. Muttasil, c'est clair. ثم قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. Donc ensuite on va voir le hadith al-musalsal. Le hadith al-musalsal. Le hadith al-musalsal, il nous dit qul, c'est-à-dire dit en parlant de musalsal, ma ala wasfin ata, c'est-à-dire le, c'est le hadith qui est lié, qui est lié à une, à une comment on pourrait traduire ça, à une action précise. On va expliquer, ça va être plus clair. À une action précise. Par exemple, tu dis ama wallahi anbani al-fata. Si par exemple la personne, en citant, c'est dans la, en fait le musalsal, c'est une chose liée à la chaîne de transmission. La personne, par exemple, nous avons l'imam al-Bukhari, nous avons son cheikh, son cheikh, son cheikh, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musalsal, c'est celui qui, dans la manière de rapporter le hadith, il y a une chose bien précise que chacun des narrateurs répète. Par exemple, à chaque fois, le narrateur dit « Wallahi haddathani ». Chacun. Le Bukhari dit « Wallahi haddathani ».« Wallahu anba'ani ».« Wallahu anba'ani ». Cela va s'appeler « Musalsal bil Qasem », par exemple. Il va appeler ça « Musalsal » par le fait de jurer. C'est-à-dire que chaque narrateur a juré en citant le hadith. كَذَاكَ قَدْ حَدَّثَنِهِ قَائِمًا. Ou bien, à chaque fois que la personne a rapporté ce hadith, elle était debout. Ou nous avons des musalsal également bi وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ. Chaque muhadith, il rapporte le hadith وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ. أو بعد أن حدثني تبسم. Ou bien à chaque fois que l'un cite le hadith, il sourit. Ils vont appeler musalsal bitabassum. Nafs al hadith. Dans la chaîne de transmission, chaque narrateur, après avoir cité le hadith à son élève, tabassam. Il va dire حدثني شيخي بكذا وكذا وكذا وتبسم. فقال, après il va rapporter de son cheikh également tabassama. Ils vont appeler ça musalsal bi tabassum, musalsal bil qiyam, musalsal bi musalsal bi al awwaliyya, musalsal bil akhiriyya. Musalsal bil awwaliyya مثلا يقول حدثني فلان وهو اول حديث سمعته منه. Donc nous avons plusieurs sortes de tasselsoul. Pourquoi ils appellent ça musalsal? Car musalsal, ça vient de silsila. Silsila, c'est une chaîne. Lorsqu'on prend une chaîne, chaque partie de la chaîne, elle est semblable aux autres en général. Si on prend une chaîne ou bien une gourmette, les parties se ressemblent. Donc dans la chaîne de transmission ici également, nous avons une chose bien précise qui se suit. ولهذا المسلسل هو الذي جاء على وصف واحد. ف فهناك وصف في هذه السلسلة يشبه بعضه بعضا فجميع الأجزاء الإسناد فيه شيء متشابه. Donc il y a une chose dans chaque partie de la chaîne de transmission qui ressemble aux autres. أقسام المسلسل. القسم الأول أن يكون التشابه في الرواة. فمثلا يكون كل راوي اسمه محمد فنقول هذا الحديث مسلسل بالمحمدين، أو كل الرواة بصريون فنقول هذا الحديث مسلسل بالبصريين أو بالمصريين أو بالشاميين أو بالحجازيين، أو أن يكون كل راوي إماما من الأئمة فنقول هذا الحديث مسلسل بالأئمة، أو كل راو يكون ضعيفا في الحديث فيقول هذا مسلسل بالضعفاء. Donc on va citer plusieurs sortes de مسلسل. Premièrement, مسلسل donc une caractéristique du narrateur. Par exemple, dans la chaîne de transmission, on prend une chaîne de transmission et on s'aperçoit que tous ils s'appellent Mohammed. On va dire ce hadith مسلسل بالمحمدين. Ou bien ils viennent tous du même endroit. On va dire مسلسل بالبصريين. S'ils viennent de Basra ou بالكوفيين, بالمكيين, بالمدنيين, بالشاميين, حجازيين, etc. Ou bien que tous les narrateurs sont des imams. On va appeler مسلسل بالأئمة. Ou bien ils sont tous faibles dans le hadith. مسلسل بالضعفاء. مسلسل également. Normalement, la base, c'est qu'ils essayent de faire ça du début de la chaîne de transmission jusqu'à la fin. Mais parfois, ça peut être seulement à une partie de la chaîne de transmission. القسم الثاني أن يكون التشابه في فعل أو قول. مثلا هناك في سنن أبي داود حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم جاء معاذ فحدث بهذا الحديث فقال لتلميذه إني أحبك، قال له إني أحبك، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجاء تلميذ معاذ فقال كذا، فقال إني أحبك، فهذا مسلسل ب يعني قول إني أحب والله إني أحبك، هذا تسمى بمسلسل المحبة. Donc la deuxième sorte, c'est un mousselsel qui, dans lequel il y a donc une parole ou bien un acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans Sunan Abi Daoud, il a dit à Mu'adh radiallahu an, Wallahi inni uhibbuk, Wallahi je t'aime. N'abandonne jamais le fait de dire après chaque prière, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ensuite, Mu'adh a dit donc à son élève après la mort du prophète sallam lorsqu'il a rapporté ce hadith, والله إني أحبك. Le prophète sallam m'a dit de ne jamais délaisser après chaque prière, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ensuite, l'élève à Mu'adh, il a dit à son élève, jusqu'à qu'il y ait donc التسلسل, qui est التسلسل. Donc ce hadith, il est appelé مسلسل بالمحبة. مسلسل بالمحبة, c'est-à-dire que chacun dit à son élève, والله إني أحبك. أي يروي نفس الحديث. وعندنا الحديث المسلسل بالأولية، كل شيخ يقول لتلميذه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. والحديث المسلسل بالأولية هو حديث عمر عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالمحدثون يحبون أن يكون أول حديث يحدثون به هذا الحديث، يعني حتى يبينوا أن مبدأ هذا الدين وهذا العلم هو الرحمة بين الشيخ وتلميذه، رحمة المعلم للمتعلم. Nous avons également le hadith المسلسل بالأولية، c'est-à-dire que chaque شيخ il dit à son élève: mon شيخ m'a cité tel hadith et c'est le premier hadith que j'ai entendu de lui. C'est le premier hadith que j'ai entendu de lui. Chacun dit c'est le premier hadith que j'ai entendu de lui. Et ce hadith, c'est le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As qui est dans Sunan, où le prophète sallam a dit: Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fil sama. C'est-à-dire les gens qui sont cléments, le tout clément sera clément avec eux. Soyez clément avec ceux sur terre, Allah sera clément avec vous, celui qui est au-dessus des cieux. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le hadith al-musalsal bi al-awwaliyya. عندنا القسم الثالث هو أن يكون التشابه في حال موجود حال التحمل. مثلا يقول كما قال المؤلف: حدثنيه قائما، فهناك مسلسل بالتحديث فوق المنبر. également donc un hadith مسلسل par exemple dans une situation bien précise. Ils nous disent حدثني فوق المنبر، et chacun a rapporté ce hadith et il était assis sur المنبر ou bien debout sur المنبر. ولكن هذه الأحاديث المسلسلة ليست موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة: وعامة مسلسلات واهية، يعني ضعيفة جدا، وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمديين إلى ابن شهاب. Mais le problème avec ces hadiths مسلسل c'est qu'ils ne sont pas, ils ne vont pas jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم. En général, c'est des hadiths qui ont eu lieu à un moment dans la chaîne de transmission. Donc entre deux et trois narrateurs. Et des gens, pour augmenter la chose, ils ont rapporté de cela de gens qui n'ont jamais dit cela. Je vais vous citer un exemple. يعني قلنا الحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما، وعبد الله حدث رجلا اسمه أبا قابوس مولا له، وأبو قابوس حدث عامر ابن دينار وعامر ابن دينار حدث سفيان ابن عيينة. وهنا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفيان بن عيينة ليس فيه وهو أول حديث سمعته من. ثم بعض التلاميذ سمعوا هذا الحديث من سفيان بن عيينة وكان أول حديث سمعه من، فقالوا حدثني سفيان وهو أول حديث سمعته من. ثم تلاميذ هؤلاء سمعوا هذا الحديث وهو أول حديث سمعه منه، ثم زادوا قال أن سفيان قال وأن عامر بن دينار قال وأن أبو قابوس قال، وهذا ليس بصحيح. Donc ces chaînes de transmission, elles ont lieu à un moment donc de la chaîne de transmission, et ensuite il y a des gens qui sont venus après et qui ont exagéré la chose. Donc l'imam Zahabi, il nous dit que la majorité des mousselsels, ils sont très faibles comme hadith. On va expliquer également que lorsqu'on dit que le hadith il est faible, c'est pas le hadith le matin, mais c'est la chaîne de transmission. Donc l'imam Zahabi, il a un livre dans Al-Mustalah qui s'appelle Al-Mawqiza. Il nous dit Ammatul Musalsalat wa hiya. La plupart des musalsalat, ils sont très faibles. Wa aktharuha batila. La plupart, ils n'ont aucune base. Les kadhibi ruwatiha, car il y a eu un mensonge dans la chaîne de transmission. Et les plus authentiques sont Al-Musalsal bi qira'ati surat as-saff. Donc il y a un hadith musalsal jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté un hadith et après il a récité surat as-saff. Il a récité surat as-saff. Également al-musalsal bi al-dimashqiyin et al-musalsal bi al-masriyin et al-musalsal bi al-muhammadiyin ila ibn Shihab. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, nous avons par exemple le hadith ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela à Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a cité ce hadith à Abu Qabous. Abu Qabous, il a cité cela à Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar, il a cité cela à Sufyan ibn Uyayna. Donc jusque-là, dans la chaîne de transmission, il n'y a pas de « wa huwa awwal hadith in sami'atuhu min ». Ensuite, il y a des gens parmi les élèves à Sufyan ibn Uyayna, ils ont entendu ce hadith de Sufyan. Et c'est le premier hadith qu'ils ont entendu de lui. Donc comme on a dit, les muhadithim, ils aimaient bien citer ce hadith en premier à leurs élèves pour montrer la relation de clémence qu'il y a entre le cheikh et son élève. Que justement, Ar-Rahimun Yarhamuhum Rahman, Yarhamuhum Man Fil Ard, Yarhamkum Man Fil Sama. Pour montrer justement que le cheikh, il doit être clément avec ses élèves. Donc eux, ils ont entendu ce premier hadith de Sufyan. Et donc lorsque eux, après, ils l'ont cité de Sufyan, ils ont dit... C'est le premier hadith que j'ai entendu de lui. Ensuite, d'autres personnes sont arrivées et ils ont dit que même Soufiane, il avait dit de Amr ibn Dinar que Amr ibn Dinar, il a dit de Abu Qabous également que Abu Qabous aurait dit de Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma wa huwa awwal hadith samitu min. Ça, c'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, ils ont voulu justement, déjà qu'il y ait ces choses identiques dans une partie de la chaîne de transmission, c'est étonnant. Et ils ont voulu augmenter cela. Ils ont voulu augmenter cela. L'imam Suyuti, rahimahullah, le kitab ismuhu Al-Musalsalat Al-Kubra. Il a un livre qui s'appelle l'imam Suyuti Al-Musalsalat Al-Kubra, où il a essayé de réunir justement tous les hadiths Al-Musalsal, de n'importe quelle sorte qu'ils soient, et il est arrivé à 85 hadiths. Ensuite il a fait un second livre qu'il a appelé Al-Musalsalat Al-Jiyad, c'est-à-dire celles qui sont les plus authentiques parmi ces 85 hadiths. كما قلنا عندما نقول أن معظم المسلسلات واهية وباطلة لا نقصد المتن فالمتن مثلا الراحمون يرحمون الرحمن صحيح ولكن الذي هو ضعيف هو هذا التسلسل هذا التسلسل الذي زيد فيه Donc lorsque l'on dit que les musalsalat ils sont faibles ou très faibles, on ne parle pas du matin. On parle de la chaîne de transmission et de cet acte ou cette parole qui revient à chaque, entre chaque deux narrateurs. Car donc par exemple, Ar-Rahimun Yarhamum Ar-Rahman, c'est un hadith authentique. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord ? Mais ce que l'on dit, lorsque l'on dit c'est faible, c'est qu'il y ait wa huwa awwal hadithin sami'tuhu min de à chaque degré de la chaîne de transmission à chaque étape jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam fa mathalan indana al musalsal bi surat as-saff insha Allah fi akhir dars li hadha al kitab indama nakhtim al munzuma insha Allah sa أقرأ عليكم هذا الحديث المسلسل بسورة الصف والمسلسل بالأولية وسأجيزكم فيها. Donc إن شاء الله, le dernier cours on lira ces deux choses là. المسلسل بسورة الصف, المسلسل بالأولية, et je vous donnerai une إجازة. مسلسل سكلا مسلسل ثم قال المؤلف رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة Donc ensuite il va nous parler l'auteur رحمه الله du hadith Aziz et du hadith Mashhur. Donc il nous dit hadith Aziz c'est celui qui est rapporté par deux ou trois narrateurs et le Mashhur c'est celui qui est rapporté au-dessus de trois narrateurs. إذن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يعني في الأول قسم الحديث باعتبار الصحة والضعف فقال الحديث صحيح حسن وضعيف ثم قسم الحديث باعتبار القائل فقال المرفوع والمقطوع وهناك الموقوف كذلك ثم قسم الحديث بذكر من أنواع الحديث يعني ما اتصل إسناده سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فمسند وإلا فمتصل ثم ذكر المسلسل والآن سيقسم الحديث باعتبار عدد الطرق Donc l'auteur رحمه الله au début il a divisé les hadiths en fonction de l'authenticité et de la faiblesse. Donc il nous a dit al-sahih, al-hasan et al-daif. Ensuite, il nous a parlé, il a divisé le hadith en fonction de la fin de la chaîne de transmission. Donc on avait dit si c'était au prophète sallam, c'était le marfour. Si c'était un tabi'i, on avait dit maqtou'. Et si ses compagnons, c'est mawquf. Donc il ne faut pas penser que en fait, l'auteur, il donne des sortes de hadiths, mais à chaque fois, c'est en fonction de certains critères. D'accord ? En fonction de certains critères. Donc, il n'y a pas d'opposition entre toutes ces choses-là. Donc, c'est une division du hadith en fonction de certains critères. Donc, si on parle d'authenticité, on va dire sahih, hasan, daif. Si on parle ensuite donc, de qui parle dans le hadith, on va dire marfou, ou bien maqtou, ou bien mawquf. Si on parle de la chaîne de transmission, est-ce qu'elle est liée ou pas, on va parler de muttasil, munqati', En plus de ça, en plus, si ça finit au prophète, on va dire mousnet, sinon on va seulement dire muttasil. Et ici, il va nous diviser le hadith en fonction du nombre de chaînes de transmission. Car donc, un hadith, il se peut qu'il y ait plusieurs chaînes de transmission. Il se peut qu'un même hadith, deux compagnons l'ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, hadith Jibril, nous avons hadith de qui a entendu ? Omar ibn Khattab, et on avons également Abu Huraira. D'accord ? Donc ensuite, Omar, il a rapporté à certains tabi'in et Abu Huraira également. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle Adad al-Turuq. Donc il se peut qu'il y ait un seul, il se peut qu'il y ait deux, il se peut qu'il y ait trois, il se peut qu'il y ait énormément de chaînes de transmission. Donc c'est là qu'il va nous parler de l'Aziz, Al-Mashhur, Al-Gharib, et nous avons également au-dessus de tout cela Al-Mutawatir. Idhan, Saktub fil Sabura. Donc en fonction des nombres de chaînes de transmission, nous avons deux sortes de hadith. Al-Mutawatir et nous avons Al-Ahad. Al-Mutawatir, on en a parlé à plusieurs reprises. Je ne sais plus à quelle occasion. Al-Mutawatir, wa marawahu adadun la yumkinu hasruhum. يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب يعني هو الذي يرويه عدد كبير لا يمكن حصرهم on ne peut les dénombrer tellement ils sont nombreux. يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب, c'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux qu'il est impossible qu'ils se soient tous mis d'accord sur un tel mensonge, sur un mensonge. D'accord ? Mutawatir, nous-mêmes, on l'utilise dans la vie de tous les jours. Des informations dont on n'a aucune connaissance et que l'on accepte. Demain, si je vous dis qu'il y a un pays dans le monde qui s'appelle le Nicaragua. Qui d'entre vous est déjà parti là-bas? Qui a vu? Personne. Mais c'est impossible que tous les gens qui en parlent soient mis d'accord pour forger un tel mensonge. Donc il y a tellement de monde, on dit que c'est impossible qu'ils soient tous mis d'accord pour forger ce mensonge. D'accord? C'est ça qu'on appelle Al-Mutawatir. C'est ce que l'on appelle Al-Mutawatir. Donc lorsque l'on a un hadith, par exemple, rapporté par 30 sahabas, ces 30 sahaba l'ont rapporté à également de très nombreux tabi'in, jusqu'à et tabi'in ont rapporté également un très grand nombre de atba'at tabi'in. Tous ces gens-là, c'est impossible qu'ils soient tous mis d'accord sur un même mensonge. Surtout lorsque c'est des compagnons, un il est à Médine, l'akhor fi l'Irak, l'akhor fi Masr. C'est impossible qu'ils soient tous mis d'accord sur un même mensonge. Donc ça, c'est ce que l'on appelle Al-Mutawatir. Al-Mutawatir, on ne recherche même pas est-ce que c'est authentique ou pas. C'est le plus haut degré de la chaîne de l'authenticité. Le plus haut degré de l'authenticité, ou le mutawatir. Le Coran, kullu mutawatir, bil qira'at al-ashar. Le Coran entièrement il est mutawatir. Les 10 lectures sont mutawatira. والمتواتر ينقسم إلى قسمين. المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي هو أن يكون حديث معين يروى بلفظه على النحو الذي ذكرناه. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر. هذا لفظي لفظي. فكل الرواة رووا هذا الحديث بهذا اللفظ. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك متواتر معنوي. فالرواة كلهم يتفقون على رواية حديث في موضوع مشترك بين هذه الأحاديث. فالحديث ليس عندنا حديث وحديث وحديث وحديث وحديث وكل هذه الحديث مشتركة في موضوع معين. كمثلا أحاديث الرؤيا وأحاديث الحوض وأحاديث عذاب القبر. هذه الأحاديث لو أخذنا كل حديث على حدة لا يكون متواترا، ولكن عندنا عشرات الأحاديث في عذاب القبر، عشرات الأحاديث في الرؤيا، وعشرات الأحاديث في الحوض، فيكون متواتر معنوي. ولهذا يقول بعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خوفين وهذه بعد. Donc quelqu'un a essayé de réunir quelques hadiths mutawatir. Il a dit mimma tawatara hadith man kadhab. Parmi les hadiths qui sont mutawatir, hadith man kadhab, c'est le hadith que vous citez. Man kadhaba alayya muta'ammidan fatabawwa maqada min an-nar. Wa man bana lillahi baytan wa ihtasab. Également celui qui construit une mosquée pour Allah en désirant sa face, Allah lui construira une demeure au paradis. Également mutawatir lafzi. ورؤية donc c'est les hadiths qui nous parlent de la vision des croyants lorsqu'ils verront leur Seigneur يوم القيامة. شفاعة c'est l'intercession. والحوض الحوض c'est le bassin du prophète صلى الله عليه وسلم. ومسح الخفين مسح الخفين tous les hadiths مسح الخفين. وهذه بعض c'est-à-dire on vient de citer quelques certains d'entre eux. Donc من كذب علي متعمدا لفظي donc c'est cité précisément par cette parole. من بنى لله مسجدا également لفظي. Tout ce qui est رؤيا شفاعة الحوض مسح الخفين معنوي. المتواتر c'est clair. ثم الأحد الأحد ما هو دون المتواتر يعني ما له طرق محصورة. Donc l'ahad c'est tout ce qui est en dessous du mutawatir. C'est-à-dire qu'ils ont des chaînes de transmission que l'on peut décompter. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Donc ça n'atteint pas le chiffre ou bien le niveau du mutawatir. L'ahad, donc nous avons trois sortes. Al-Gharib, donc l'auteur il va en parler plus tard. Al-Aziz, donc celui qu'on va voir maintenant. Et Al-Mashhur. Donc le gharib, c'est celui qui a un, l'aziz, deux ou trois, comme a dit l'auteur, aziz ou marwi thnaini ou thalatha, et le mashhour, fouqama thalatha. L'aziz, comme a dit le mu'allif, marwi thnaini aw thalatha. L'aziz huwa min azza ya'izzu. Idha qawiya. ففلان عزيز بأنه قوي قال تعالى فعززنا بثالث يعني فقوينا بثالث والعزيز يأتي كذلك بمعنى الضعيف والنادر فشيء نادر تقول هذا شيء عزيز هذا شيء عزيز والعزيز أن يصح أن يراد به القوي والنادر فالقوي لأنه مروي بطريقين أو ثلاثة طرق وضعيف ونادر لندرة هذا النوع من الحديث دونك العزيز dans la langue arabe ça a deux sens العزيز dans le sens de fort. Aziz, dans le sens de fort. On l'a dit dans le Coran, فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِينَ. Donc nous les avons renforcés par un troisième. Et ça a l'inverse, le sens inverse. C'est-à-dire faible. C'est ce que l'on appelle kalimat al-addad. Donc il y a des mots en arabe qui veulent dire deux sens inverses. Dans un contexte, il aura un sens, et dans l'autre contexte, il aura le sens inverse. Ce n'est pas un autre sens, c'est le sens inverse. Comme وَالْلَيْلِ إِذَا عَسْعَسْ dans le Coran, عَسْعَسْ ça veut dire أَقْبَلْ et parfois ça veut dire أَدْبَرْ. C'est ce que l'on appelle الْأَدَّدْ. Donc les mots qui ont deux sens inverses. Donc, et parfois donc, ça veut dire faible. عَزِيز ça veut dire faible et également نَادِرْ. C'est-à-dire rare. Et donc dans ce cas du hadith Aziz, on peut comprendre cela des deux manières. Fort du fait qu'il est rapporté donc de deux ou trois chaînes de transmission, et nadir également du fait qu'il y a très peu d'exemples pour ce type de hadith. العزة فإذا قلنا مروي باثنين أو ثلاثة لا يشترط أن يكون ذلك في كل طبقة من طبقات الإسناد يعني يكفي أن يكون ذلك في طبقة واحدة فدائما نأخذ بالأقل إن كان طبقة من طبقات الإسناد يوجد راويا أو ثلاثة يسمى عزيزا يسمى عزيزا. Donc en ce qui concerne le hadith aziz, également le mashhour ou bien le gharib, donc on dit qu'il y a une chaîne de transmission ou bien un narrateur. Ici pour l'aziz on a dit deux ou trois. Donc il n'est pas demandé qu'il y ait ça à chaque degré de la chaîne de transmission. Par exemple il n'est pas demandé qu'il y ait deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont entendu ce hadith, puis deux tabi'in qui ont entendu du même sahabi, puis deux qui ont entendu de chaque... Non, ça, vous ne trouverez pas. Si vous cherchez dans tous les livres de la sunna, vous ne trouverez pas. Donc il suffit qu'à un degré de la chaîne de transmission, il y ait cela. Deux. Donc on se base tout le temps sur le chiffre le inférieur. On se base tout sur le chiffre inférieur. On va donner un exemple du hadith Aziz, ça va être plus clair. كذلك من العلماء من قال كما قال المؤلف رحمه الله في العزيز اثنين أو ثلاثة يوا عزيز منهم ابن الصلاح ومن العلماء من قال أن العزيز هو ما رواه راويان أما فوق راويين فهو مشهور منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. Donc également dans d'autres livres, il faut faire attention. Donc, l'Aziz, dans d'autres livres, vous trouverez que l'Aziz, c'est deux seulement. Ici, on a deux ou trois. Donc dans certains livres, c'est deux ou trois, comme ici, et dans Muqaddimat ibn Salah. Et dans d'autres, c'est deux, comme Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, dans Nukhba. Et pour lui, au-dessus de deux, c'est tout de suite Mashhur. Au-dessus de deux, c'est tout de suite Mashhur. Kullahal, c'est juste des noms donnés au hadith. Rien de... très grave. Et le mithal lil hadith al-aziz. On va citer un exemple du hadith aziz, ça va être clair qu'est-ce que ça veut dire. Nous avons attention. Donc ce hadith, nous avons Anas et Abu Hurayra, donc deux. Anas a rapporté de lui Qatada, également deux ici. Qatada et Da'ama. Et Abdelaziz ibn Sulayh. Ensuite, nous avons Abu Hurayra. Ah, également, Rawal Qatada. Sinon, on va se baser sur ça. Donc ici, Qatada également, 2. Shu'aba. Ibn al-Hajjaj. Et Saïd ibn Abi Aruba. Ici également deux. Ici,